Le jeu de l'amour et du hasard. Marivaux avait déjà à son actif une tragédie et près de 40 comédies quand il écrit et fait jouer, en 1730, le jeu de l'amour et du hasard. La scène est à Paris, dans la maison de M. Orgon. Ce dernier voudrait voir sa fille Sylvia épouser Dorante, fils d'un vieil ami. Les deux jeunes gens ne se connaissent pas et Sylvia montre peu d'enthousiasme pour ce mariage. Elle demande donc à son père de prendre la place de Lisette, sa femme de chambre, pour examiner à loisir Dorante, tandis que Lisette jouerait le rôle de Sylvia. Orgon, le père, acquiert d'autant plus volontiers que Dorante a pensé au même subterfuge, comme le lui a appris son vieil ami, le père de Dorante. Dorante, se faisant passer pour son valet Arlequin, se fait appeler Bourguignon. Pour vous aider à vous retrouver dans cet imbroglio où les quatre personnages principaux ont travesti leur rôle et leur nom, je ne manquerai pas de vous rappeler, le plus possible, la véritable identité de chacun.